Le mardi 29 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le fondateur du village vacances Valcartier est décédé. L'homme d'affaires de 69 ans, bien connu dans la région de Québec, a été emporté par un cancer qualifié de foudroyant par sa famille. Guy Drouin est donc décédé à l'Hôtel Dieu de Québec hier soir après une courte hospitalisation. L'homme d'affaires n'aura pas eu la chance d'assister à l'ouverture officielle de l'un de ses plus grands projets, le parc Bora, qui doit être inauguré en fin de semaine au village vacances Valcartier. Il s'agit d'un projet de 70 millions de dollars qui comprend un complexe aquatique intérieur et un hôtel 4 étoiles. Lors de la présentation devant les médias de ce projet, il y a un mois, Guy Drouin n'avait rien laissé paraître de sa maladie. Rappelons qu'il est aussi le fondateur du parc Calypso à Ottawa. L'Institut universitaire en santé mentale de Québec va recevoir la somme de 24 millions de dollars du gouvernement provincial. Cette somme permettra de financer de nouveaux équipements et d'aménager des laboratoires. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Le centre de recherche compte 68 chercheurs. Il pourra ainsi poursuivre ses travaux sur les causes et les traitements des maladies neurologiques et psychiatriques. Le promoteur Jacques Robitaille serait prêt à aller de l'avant avec la construction d'un immeuble sur le terrain vague de la côte d'Abraham. Selon le Journal de Québec, le propriétaire des hôtels Jarreau aurait fait dans les dernières semaines une demande de permis à la Ville de Québec. Le projet d'édifice de 10 étages comprend aussi des logements et des commerces. Mentionnons que la pression sur l'homme d'affaires s'est accentuée ces derniers mois, alors que le maire Régis Labeaume a fait du développement et de l'entretien des sites patrimoniaux une priorité, le terrain vague de la côte d'Abraham, où rien ne se passe depuis la démolition de l'église Saint-Vincent-de-Paul en 2010, a souvent été donné en exemple par l'administration Labeaume, qui souhaite obtenir plus de pouvoir de taxation et d'expropriation à l'endroit des propriétaires délinquants. Scène fédérale, enfin, le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, fustige le gouvernement Trudeau pour son inaction. Le vérificateur général déplore que la plupart de ses recommandations soit demeurée lettre morte depuis le début de son mandat, il y a 2 ans. Il dénonce la lenteur de la machine gouvernementale et une absence de progrès. Parmi les enjeux qui sont prioritaires selon lui, il cite le manque de coordination entre les différents ministères et il estime aussi que certains programmes gouvernementaux ne sont pas à l'avantage des citoyens. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo... Les averses de neige ont commencé sur la région de Québec. On attend jusqu'à 10 cm d'ici la fin de la nuit prochaine. Il y a également un risque de pluie verglaçante sur le secteur nord tôt cet après-midi. C'est très venteux avec 30 km/h et des rafales à 50. Le maximum prévu est de 1 degré. Présentement à Québec, il fait 0 degré. Demain, mercredi, c'est nuageux avec 2 degrés. Et puis jeudi, c'est de la pluie ou de la neige avec 2 degrés au mercure.